laissé tomber, mon vieux. Tu t'es en allé. Le monde devenait trop laid, quelque chose. Hein? La France et ta femme ont fusionné. Et le petit maire de Neuilly. Et le petit maire de Neuilly. Et le petit maire de Neuilly. Petit maire de Neuilly. Maire de qui un jour t'avait marié, là. A fini par te la dérober. Et un bourre-pif n'a pas suffi pour reconquérir ta cécé. Alors, mon Jacques, alors tu as abandonné. Et vers la lumière, tu t'en as volé. Tu t'en as en allé. Et ça, c'est triste. Vois-tu? Parce que nous sommes nombreux, mon Jacques, à qui tu manques. Sincèrement, Jacques. Crois-moi. Reviens.